La lettre brûlée par Frédéric Boutet. Claire Valeuse, debout au coin de la cheminée où brûlait un feu de bois, car la matinée était fraîche, ouvrit la lettre que venait de lui remettre sa femme de chambre. « Ma chère petite Claire, un moment hâte. Si tu es libre, viens me prendre demain à 4 heures. Nous passerons chez ma modiste, qui a de nouveaux modèles, et nous irons goûter. Amitié à ton mari, je t'embrasse très affectueusement. » Ta cousine, Geneviève. Claire, sa lettre au doigt, se dit qu'elle irait et tourna la tête, car la porte s'ouvrait. Elle vit son mari et un sourire éclaira son joli visage. « Eh bien, es-tu prête ?» s'écria joyeusement Valeuse. « Tu sais que le déjeuner chez les Drionne ?» Il s'interrompit et la voix changée. « Qu'est-ce que c'est que cette lettre que tu lisais ?»« Ce n'est rien du tout. » Elle avait eu un mouvement d'impatience. Encore cette jalousie. « Comment, rien du tout? Une lettre n'est pas rien du tout, montre-la-moi !» Il s'était avancé, et sur son visage contracté, Claire voyait cette expression de soupçon farouche qu'elle connaissait trop. Depuis 4 ans qu'ils étaient mariés, Valeuse n'avait pas cessé de déployer une jalousie forcenée que la plus petite apparence du motif n'avait jamais excusée. C'était son seul défaut, mais il avait un point intolérable. La jeune femme, indulgente et tendre, habituellement, pour apaiser les crises, se soumettait de bonne grâce à sa surveillance tyrannique. Ce matin-là, nerveuse, elle ne se soumit pas. « Voyons, Paul, » dit-elle un peu pâle, « c'est ridicule et c'est offensant à la fin. Je ne veux pas plus longtemps. » Il devint livide. Elle lui résistait pour la première fois. Elle refusait la lettre. Mais alors, c'est que vraiment, ses soupçons auxquels, au fond de lui-même, il ne croyait jamais, seraient donc fondés. « Donne-moi cette lettre » gronda-t-il. « Non. » « Je l'aurai !» Il fit 2 pas vers elle, elle froissa la lettre et l'enveloppe et les jeta au feu. Le papier mince s'enflamma et en une seconde fut consumé. « Oh !» fit Valeuse, béant. Claire demeura pétrifiée. Toute sa colère était tombée. Qu'avait-elle fait ?« Oh mon Dieu !» bégayait Valeuse. « C'était donc vrai ?»« Quoi, vrai? Qu'est-ce qui est vrai ?» cria Claire. « Tu ne crois pas tout de même ? Tu n'es pas assez fou pour croire ?» Il ne répondit pas. Il s'appuyait à la table, comme écrasé par une affreuse détresse, et tout à coup la colère le secoua. Il leva les poings, si terribles que Claire recula, mais déjà il s'enfuyait hors de la chambre. Elle resta là, pendant quelques instants, affolée, puis elle le suivit. Elle le rejoignit dans son cabinet de travail. Il était assis, les coudes sur son bureau et la tête dans ses mains. Elle se précipita vers lui, haletante. « Écoute, Paul. » « La lettre est de ma cousine Geneviève. Elle me demandait de prendre le thé avec elle et de voir des chapeaux. C'est tout, je te jure que c'est vrai. » Il leva un visage décomposé. « Je ne te crois pas. Va chez Geneviève, elle te dira qu'elle m'a écrit et tu verras bien. Qu'est-ce qui me prouve qu'elle dise la vérité? Elle te soutiendra toujours, je le sais bien. Et du reste, qu'est-ce qui me prouvera que c'est bien sa lettre que tu as brûlée? Pourquoi l'aurais-tu brûlée? Pourquoi? Oui. Pourquoi m'a-t-elle fait ce geste qui avait créé quelque chose d'irréparable. Atterrée, elle commençait à en distinguer pleinement les conséquences indestructibles. Elle ne comprenait plus son exaspération d'une minute. Elle essaya pourtant de l'expliquer à son mari, mais il n'écouta pas et bientôt l'interrompit. « Laisse-moi, j'ai besoin d'être seule, de réfléchir, de me calmer, si je le puis. Tout à l'heure, j'ai failli te faire du mal. Mais cela, non. Laisse-moi. Je te dirai ce soir ce que j'aurais décidé. Mais je t'aime, cria Claire. C'est fou, voyons, qu'est-ce que tu crois enfin? Je sais que tu as un amant, souffla-t-il d'une voix rauque. Va-t'en, je te dis, va-t'en. Il la repoussa. Elle s'en alla sans un mot. Elle était indignée qu'il la crût coupable, mais elle était surtout accablée par son impuissance à lui prouver qu'elle ne l'était pas. Elle ne le revit pas de toute la journée. Mais le soir, il parut à table. Il était blême et semblait vieilli. Quand ils furent seuls après le repas avec une froideur étudiée, il déclara à Claire qu'il ne divorcerait pas à cause de leur enfant, mais que tout autre lien était brisé entre deux. Elle était si abasourdie par ce désastre qui anéantissait leur bonheur qu'elle eut à peine la force de protester de nouveau de son innocence. Il haussa les épaules et alla s'enfermer dans sa chambre. Elle regagna la sienne et y sanglota. Pendant plusieurs mois, ils vécurent ainsi, étrangers l'un à l'autre. Toutes les tentatives de rapprochement que fit Claire échouèrent. Elle supplia et s'irrita en vain. La conviction de Valeuse était inexpugnable. La lettre était celle d'un amant. Sans cela, pourquoi sa femme l'aurait-elle brûlée? D'ailleurs, de toute évidence, il était horriblement malheureux. Claire avait pitié de lui, elle avait pitié d'elle-même, et en même temps, elle éprouvait une exaspération grandissante. Un soir, elle était dans sa chambre et allait se coucher quand son mari entra. Il était plus pâle que de coutume et très agité. « Écoute, lui dit-il brusquement, dis-moi qui c'est. Oui, l'homme qui t'a écrit la lettre, ton amant, qui est-ce? Je veux le savoir. Tu entends, je veux. Après, j'essaierai d'oublier, je te pardonnerai. Je t'aime encore. Oui, malgré tout, je t'aime encore. » Acheva-t-il, tout tremblant d'amour, de colère et de honte. Elle resta stupéfaite et puis faillit éclater de rire, car il lui sembla soudain que tout cela était aussi ridicule que tragique. Une fois encore, elle dit de qui était la lettre et pourquoi elle l'avait brûlée. Mais Valeuse brutalement lui coupa la parole. « Ne mens plus. Je te pardonne, mais le nom, dis-moi le nom. Je veux le savoir, je le saurai. Je veux bien admettre que tu as subi un entraînement irréfléchi, que tu as commis une faute sans lendemain. Je t'ai surveillé depuis sans que tu t'en doutes et je n'ai rien découvert. Mais pour que je te pardonne, il me faut le nom. Quand je le saurai, je te pardonnerai, je te le jure. Nous vivrons comme avant. Mais pour que je te pardonne, il me faut le nom. » Pendant longtemps, elle continua, priant, pleurant, menaçant, ordonnant. Le nom, il lui fallait le nom. La nuit avançait, éclair, excédé, épuisé, affolé par le martèlement impitoyable de cette même question, dans son désarroi, décida d'y répondre pour en finir, d'avouer et de donner le nom. Quel nom? Parmi les possibles amants qu'elle aurait pu avoir dans son entourage, elle cherchait, ahurie, la tête brisée, redoutant les conséquences pour le faux complice qu'elle allait désigner. Enfin, une idée satisfaisante lui vint. « C'était Robert de Blize, » chuchota-t-elle. La main de son mari se crispa sur son épaule. Il eut un soupir profond. « Robert de Blize, qui est mort en Algérie il y a 3 mois. C'est pour cela que tu étais si triste à ce moment-là. Du reste, je savais que c'était lui. J'avais reconnu son écriture sous la lettre avant que tu la brûles. » Claire bondit. « Ah, ça, c'est trop fort. Tu es trop bête. C'est maintenant que je viens de mentir, pour que tu me laisses la paix. La lettre était de Geneviève, tu entends, de Geneviève. » « Ah non, non, » protesta le mari avec force. « Ne recommence pas. Tu m'as avoué la vérité, c'est bien, je te pardonne. » Elle le regarda en face. Elle était près d'une crise de nerfs. Avec un petit rire ambigu, elle répondit. « Je te remercie. Ton pardon me servira plus tard. » C'était « La lettre brûlée » par Frédéric Boutet.